au cœur de l'histoire. C'est au cœur de l'histoire de la plus belle avenue du monde que Franck Ferrand nous a donné rendez-vous cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Les Champs-Élysées sont un des jokers de Paris avec la Tour Eiffel et Notre-Dame. Alors pour nous raconter leur fabuleuse histoire, j'ai convié à nous rejoindre le cher Michel Carmona. Avec lui, nous allons apprendre bien des choses sur la saga de ces deux petits kilomètres d'avenue. Une artère large tout de même de 70 mètres. C'était pendant très longtemps l'une des plus larges d'Europe. Une artère qui monte en pente douce et irrégulière du reste, de la place de la Concorde à la place de l'Étoile, de l'obélisque à l'Arc de Triomphe, avec son trottoir ensoleillé et son trottoir à l'ombre, avec ses jardins vers le bas, son rond-point, ses hôtels particuliers et ses galeries. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que Philippe vous a posée sur le site internet d'Europe 1. Et qui nous amènera soudain de l'autre côté de l'Atlantique pour évoquer les origines du football américain. Alors pour le moment, ce sont les Champs-Élysées qui nous attendent. Nous avons rendez-vous sur la plus belle avenue du monde et nous y avons rendez-vous à la Belle Époque. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est le lot des grands endroits, des lieux mythiques que de rappeler à chacun des souvenirs, que ce soit des souvenirs directs ou indirects. Quand on prononce ces mots « Champs-Élysées », chacun d'entre nous y accole des images, des impressions, avant même d'y mettre les pieds, ou en tout cas avant d'être en âge de m'en souvenir. Je me rappelle enfin avoir vu le film de Sacha Guitry intitulé « Remontons les Champs-Élysées », un film tourné à la veille de la dernière guerre. Alors au début, on voit le maître qui a revêtu une blouse d'instituteur, et devant une classe un peu dissipée, il choisit pour sa délectation personnelle, autant que pour faire plaisir aux enfants, de raconter quelques grands épisodes de la saga des Champs-Élysées. Et puis on se rend compte en fait que plus le film avance et plus ce sont des grandes anecdotes historiques qui sont troussées à la manière de Sacha Guitry, c'est-à-dire sous la forme de pochades, extrêmement enlevées d'ailleurs, mais qui ne nous apprennent somme toute pas grand-chose sur les Champs-Élysées. Et ça va plus loin, puisque lorsqu'on regarde la bibliographie sur le sujet, on se rend compte qu'elle est assez maigre. Vous savez, je possède, moi, c'est une des chances dont je dispose pour pouvoir présenter cette émission tous les jours, d'une invraisemblable collection d'articles d'histoire depuis une bonne cinquantaine, même soixantaine d'années. Et il se trouve que je n'ai même pas, dans toute cette invraisemblable collection, je n'ai même pas un article consacré aux Champs-Élysées. C'est donc un sujet à creuser, en quelque sorte, ou à rouvrir. Tout à l'heure, avec Michel Carmona, nous allons justement la refaire, cette double promenade dans l'espace et dans le temps. En attendant, j'aimerais braquer les projecteurs sur la partie sans doute la plus aimable des Champs-Élysées, en même temps que la moins connue peut-être, ce qu'on appelle les jardins des Champs-Élysées, cette aire de verdure qui s'étend vers le bas de l'avenue en aval du célèbre rond-point dans le voisinage immédiat de l'Élysée d'un côté et des grands et petits palais de l'autre. Il faut imaginer des arbres, des allées, des bancs, des pavillons célèbres, le pavillon Gabriel, les restaurants Laurent, le Doyen, les théâtres Marigny, théâtre du Rond-Point, etc. Je vais avoir l'occasion de vous en parler dans un instant. Ces jardins conservent un air de fête du temps où l'on trouvait ici une patinoire, un cirque, des buvettes, des attractions pour petits et grands et le célèbre guignol qu'il faut surtout pas oublier, qu'on voit dans la Grande Vadrouille par exemple et qui est toujours là bien entendu. L'évocation la plus connue de ces jardins, c'est évidemment Proust qui l'a donné dans la partie finale de son premier tome du côté de chez Swann. Ça s'appelle Nom de pays le nom et le narrateur dans ses pages raconte les moments d'exaltation qu'il a pu vivre dans les jardins des Champs-Élysées lorsqu'il était adolescent, mais aussi les moments d'ennui. Exaltation quand celle qu'il aimait passionnément, Gilberte, était venue à sa rencontre, et puis ennui terrible dès que sa présence n'habitait plus les lieux. On devait se contenter, écrit Marcel Proust, de m'envoyer chaque jour aux Champs-Élysées sous la surveillance d'une personne qui m'empêcherait de me fatiguer et qui fut Françoise. Françoise, c'était la bonne, hein, la gouvernante de la maison de sa tante Léonie et qui était passée au service donc des parents au moment de la mort de la tante Léonie. Aller aux Champs-Élysées, écrit le narrateur, me fut insupportable. Si seulement Bergotte, le grand critique, les eût décrits dans un de ses livres, sans doute j'aurais désiré de les connaître, comme toutes les choses dont on avait commencé par mettre le double dans mon imagination. Elles les réchauffaient, les faisaient vivre, leur donnaient une personnalité, et je voulais les retrouver dans la réalité. Mais dans ce jardin public, rien ne se rattachait à mes rêves. On peut dire que Marcel Proust se montre d'une assez grande dureté envers ces Champs-Élysées, qui pour lui, disons-le, cette promenade aux Champs-Élysées est un pinsomme, et en même temps un pinsomme revu en quelque sorte par Proust, ce qui lui donne toute cette magie et toute cette poésie. Alors il raconte notamment une après-midi où le temps est tellement mauvais qu'il aura passé toute la matinée, on est le jeudi, vous savez à l'époque les enfants n'ont pas d'école le jeudi, il a passé toute la matinée à regarder par les fenêtres de l'appartement s'il allait faire un peu meilleur, en espérant que Gilberte pourrait venir, et puis finalement il a fait très mauvais, mais sa mère a dit « mais vous devriez quand même y aller aux Champs-Élysées, ça va vous aérer, ça va vous promener ». Et donc le voilà parti avec sa gouvernante aux Champs-Élysées, et là il arrive dans ce jardin qui a été complètement transi par l'hiver. Les chaises désertées, écrit-il, par l'assemblée imposante mais frileuse des institutrices étaient vide. Seule, près de la pelouse, était assise une dame d'un certain âge qui venait par tous les temps, toujours harnachée d'une toilette identique, magnifique et sombre, et pour faire la connaissance de laquelle j'aurais à cette époque sacrifié, si l'échange m'avait été permis, tous les plus grands avantages futurs de ma vie. Car Gilberte allait tous les jours la saluer. Elle demandait à Gilberte des nouvelles de son amour de mère. Et il me semblait que si je l'avais connue, j'aurais été pour Gilberte quelqu'un de tout autre, quelqu'un qui connaissait les relations de ses parents. Pendant que ses petits-enfants jouaient plus loin, elle lisait toujours les débats, c'est la grande revue, le journal des débats, qu'elle appelait « Mes vieux débats ». Et, par genre aristocratique, disait en parlant du sergent de ville ou de la loueuse de chaise « Mon vieil ami le sergent de ville ou la loueuse de chaise et moi qui sommes de vieux amis ». Françoise avait trop froid pour rester immobile. Nous allâmes jusqu'au pont de la Concorde voir la Seine prise et de nouveau c'est l'ennui et de nouveau l'on attend. Et puis les voilà qui reviennent finalement au champ, et là, c'est la bonne surprise. Et déjà, Gilberte courait à toute vitesse dans ma direction, étincelante et rouge sous un bonnet carré de fourrure, animé par le froid, le retard et le désir du jeu. Un peu avant d'arriver, on est toujours dans cette espèce de fascination du narrateur pour sa bien-aimée, si je puis dire. Un peu avant d'arriver à moi, elle se laissa glisser sur la glace, et soit pour mieux garder son équilibre, soit parce qu'elle trouvait cela plus gracieux, ou par affectation du maintien d'une patineuse, c'est les bras grands ouverts qu'elle avançait en souriant, comme si elle avait voulu m'y recevoir. Brava, brava, ça c'est très bien. Je dirais comme vous que c'est chic, que c'est crâne. Si je n'étais pas d'un autre temps, du temps de l'Ancien Régime, s'écria la vieille dame, prenant la parole au nom des Champs-Élysées entiers, silencieux, pour remercier Gilberte d'être venue sans se laisser intimider par le temps. Vous êtes comme moi, fidèle quand même à nos vieux Champs-Élysées, nous sommes deux intrépides, si je vous disais que je les aime même ainsi, cette neige, vous allez rire de moi ? Ça me fait penser à de l'hermine. Et la vieille dame se mit à rire, et à rire, raconte Marcel Proust, on est dans ces Champs-Élysées d'un autre temps, dans ces Champs-Élysées de la Belle Époque. Satie sur Europe 1, un extrait de Je te veux. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à cette belle et grande avenue des Champs-Élysées. Eh oui, monsieur Delagarde est marchand de meubles à Tours. Et en cette grande année 1900, il a fait avec son épouse Marceline le voyage de Paris, évidemment, pour assister à l'exposition universelle. Il avait 10 ans lors de la première, celle de 1855, voulue par l'empereur Napoléon III et qui avait vu éclore au cœur du jardin des Champs-Élysées ce gigantesque, ce fantastique palais de l'industrie, avec sa verrière qui devait par la suite accueillir toutes sortes de grandes solennités, d'abord impériales, puis républicaines. Hélas, le palais n'est plus. On l'a démoli pour établir au débouché du tout nouveau pont Alexandre III une avenue bordée par deux nouveaux pavillons gigantesques, bâtis d'ailleurs en grande partie avec les matériaux récupérés du palais de l'industrie, le Grand Palais et le Petit Palais. D'un grand, on en fait deux petits, si je puis dire. Enfin, deux petits, façon de parler. En 1889, pour la précédente exposition universelle, Monsieur Delagarde avait été cloué en Touraine par des impondérables et il avait bien juré de se rattraper. C'est donc ce qu'il fait avec son épouse, bien entendu. Monsieur et madame sont arrivés dans la capitale par la gare d'Orsay et pour l'occasion, on peut dire qu'ils ont ils ont pu faire la visite complète. Il faut imaginer ce que ça a pu être que cette exposition universelle, hein, 108 hectares, 83 000 exposants. Alors vous imaginez, pour des commerçants de province, il y a énormément de choses à voir, il y a toutes les innovations, il y a tous leurs fournisseurs qui sont là et qui proposent ce qu'ils ont de mieux à montrer. Cette exposition, d'avril à novembre, elle va accueillir quelques 51 millions de visiteurs. Ce soir, pourtant, les Delagarde ont décidé de ne pas rester dans le clos, si je puis dire, de l'exposition, et d'aller se promener du côté des Champs-Élysées. On est aux marges, si vous voulez, de la zone d'exposition. Et ils vont tout voir. Et d'abord, ce qu'on appelle le Palais des Glaces, hein, cette patinoire avec une piste de 850 mètres carrés qui permet de patiner tout à fait à l'aise sur une couche de glace d'une épaisseur de 8 à 10 cm. À l'époque, c'est une innovation incroyable. Il n'y a que 5 ou 6 grandes patinoires de ce genre en Europe. La transformation de la piste en patinoire date de fin septembre 1893. Parce qu'avant, évidemment, alors on a monté tout un système avec des tuyauteries réfrigérantes qui sont composées de tubes de fer dans lesquels passe une solution salée. Je vous dis, c'est la pointe du progrès à l'époque. La technique la plus récente au service donc de ce Palais des Glaces qui par ailleurs a été décoré par le peintre Chéret, qui a fait aussi l'affiche, etc. C'est un bel endroit. Avant d'être une patinoire, cet édifice, c'était ce qu'on appelait les panoramas. Vous savez, ça, c'était la grande passion de Napoléon Ier. Il voulait installer partout des panoramas qui donneraient une idée. Quand vous avez gagné de très grandes batailles, quand vous avez investi toutes les grandes capitales, vous avez envie que ça se voit d'une certaine manière. À l'époque, il n'y avait pas le cinéma, évidemment, il n'y avait même pas la photographie. Et donc, un des moyens de montrer, de donner à voir les grandes victoires de l'Empire, aux yeux de Napoléon, c'était de constituer ces espèces de grands panoramas, ces grandes maquettes, si vous voulez, où les familles venaient se promener tout ébaubies devant la splendeur de paysages qui leur donnait le sentiment d'être sur les hauteurs de Moscou ou d'assister à la bataille d'Eylau ou à celle des pyramides, etc. C'était exactement le projet qu'on avait formé et c'est un certain Itorf, et ça je vais en reparler dans un instant bien sûr avec Michel Carmona, c'était Itorf qui avait construit cette rotonde des panoramas. Alors, plus tard, en 1800, ça avait été repris d'ailleurs sous le Second Empire, hein, puisque Napoléon III y avait fait installer une prise de Sébastopol, une bataille de Solferino, vous savez cette extraordinaire boucherie de 1859, et que l'on donnait donc à voir aux Parisiens et à tous les visiteurs de Paris, parce que on est dans une capitale, faut jamais oublier cette dimension-là, on n'est pas dans une ville comme les autres, d'une certaine manière. Tout ça avait donc été transformé en patinoire en 1893, et puis peu à peu, évidemment, la patinoire, elle va perdre de son éclat. On ne sait pas trop quoi faire de cette rotonde et elle deviendra, vous savez, en 1980 le siège de la compagnie de théâtre Renaud Barrault, hein, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, qui d'ailleurs avant était dans la fameuse gare d'Orsay, sont venus au moment où on a commencé les travaux pour le musée d'Orsay, sont venus s'installer là et c'est le théâtre du Rond-Point. Alors, si vous traversez l'avenue, vous allez trouver une autre rotonde de panorama et on peut faire confiance à nos commerçants tourangeaux pour y avoir acheté leur place, puisque également depuis 1893, c'est devenu, on va dire que 1893 aura été une mauvaise date pour les panoramas à Paris, c'est devenu le Théâtre Marigny, avec ses fameux lustres de cristal, avec cette salle orange au siège en crin et peluche vieil or. On donne à l'époque là-dedans des opérettes, alors on dit que l'acoustique n'est pas très bonne, mais la salle est tellement belle et elle est tellement bien placée. Et puis surtout, il y a cette atmosphère si particulière. Il ne faut pas oublier que cette salle, alors là on a traversé les champs, on est donc dans l'actuelle salle du Théâtre Marigny. Ça s'appelait autrefois le Château d'Enfer, et cette salle, elle se trouvait juste en face du Cirque d'été des Champs-Élysées, qui, du reste, avait aussi été construit par Jacques Itorf, et qu'on avait démoli là, on va dire, quelques mois avant l'exposition universelle de 1900. C'est ce cirque qui a donné son nom à la célèbre, désormais très très célèbre rue du Cirque, n'est-ce pas? Je n'irai pas plus loin. On l'avait ouverte, cette salle, un peu après la révolution de 1848. C'était pas encore le Théâtre Marigny, c'était un lieu où on donnait des spectacles de prestidigitation, des fantasmagories, on faisait des expériences de physique amusante, etc. Bref, un petit côté un peu palais de la découverte avant l'heure, si je puis dire. Jacques Offenbach y avait installé en 1855 le Théâtre des Bouffes parisiens, qu'on avait bientôt rebaptisé Théâtre des Bouffes d'été, parce qu'entre-temps, la troupe d'Offenbach était allée s'installer pour la grande saison dans ce qu'on appelait les Bouffes d'hiver rue Monsigny, le théâtre bien connu des Bouffes parisiens. Et à ce moment-là, c'est Charles Garnier, l'architecte de l'opéra, qui s'est rabattu sur cette salle. On y a installé un panorama. Il y avait 12 alcôves qui permettaient de présenter donc des grands panoramas. Le dernier grand présenté, il y en a eu deux derniers grands, c'était Jérusalem au temps d'Hérode, en 1889, pour l'exposition universelle, justement. Et puis le tout dernier, les Russes en Asie, par Roubaud. Le problème, c'est que la verrière de la toiture permettait d'illuminer ces panoramas pendant la journée, mais qu'on n'avait rien pour les éclairer le soir ou la nuit, et donc on a jugé plus pertinent de transformer cette salle en théâtre. Et voilà comment, après la naissance du Théâtre des Champs-Élysées, nous assistons à la naissance du Théâtre Marigny. Nous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur les Champs-Élysées. Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à cette belle et grande avenue des Champs-Élysées. Alors, on est donc dans cette partie qui est juste en dessous du rond-point des Champs-Élysées, dans ces jardins. Alors, après le théâtre, vous imaginez bien que nos amis, là, les deux Lagarde, ils ont faim. Donc en sortant de ce qui est devenu le Théâtre Marigny, où ils vont trouver tout près un grand restaurant qui est resté, un grand restaurant, c'est Laurent bien entendu. Je vous ai parlé du Cirque d'été tout à l'heure qui avait été bâti par Itorf en 1841. Et bien en même temps, sur d'ailleurs les bases d'une ancienne guinguette révolutionnaire, on avait installé le Café du Cirque qui très vite a été très populaire, grâce notamment au premier restaurateur qui en avait été le concessionnaire, qui était Monsieur Guillemin, et qui avait voulu du reste ce très beau décor pompéien qui fait aujourd'hui encore la célébrité et le succès des lieux. Le chroniqueur Victor Bouton parle du Café du Cirque qui nous ouvrit sa table, dit-il. Notre dîner fut beau, nous fûmes heureux et contents, nous manifestâmes à Monsieur Guillemin notre gratitude pour la tenue de sa maison et la beauté du service. C'est intéressant parce que c'est le principe de tous ces pavillons du reste. On est à la fois chez un restaurateur et chez un limonadier. C'est-à-dire que on est là à la naissance de ce qui plus tard deviendra la formule de la brasserie, si vous voulez. Ce qu'on appelle, nous, en tout cas, la brasserie, par déformation du terme du reste. Alors, les deux activités vont faire la renommée du lieu jusqu'à nos jours, disons-le. Alors, ce nom de Laurent, du restaurant Laurent, il vient de Jean-Baptiste Laurent, dont Proust, d'ailleurs, parle dans ses cahiers, et auquel succéderont Messieurs Bess, puis Louis Gaget au début du XXe siècle. Et plus tard, mais plus tard seulement, en 1906, on va ajouter les deux fameuses salles hémisphériques en métal et en verre qui vont encadrer l'établissement et qui, évidemment, aujourd'hui sont très fréquentés d'un certain tout Paris. Un autre grand restaurant de ces jardins des Champs-Élysées, alors là, il faut aller de l'autre côté, si vous voulez, de l'avenue, complètement de l'autre côté, c'est Le Doyen, bien entendu. Et là encore, c'est Itorf qui a été à l'origine. L'idée de la création, à la création de cet établissement, l'idée c'était justement de pouvoir réunir, c'était écrit même dans le projet d'Itorf, réunir les différents différentes classes de la société. Et l'on avait fait des salles qui, selon leur degré de privauté et selon la richesse de leur décor, s'adressaient évidemment pas tout à fait aux mêmes clientèles, ni d'ailleurs tout à fait aux mêmes heures. On pouvait à la fois réserver un petit cabinet particulier et jouir de la plus haute gastronomie possible, et puis prendre simplement un café dans la salle d'accueil. D'ailleurs, la frise au-dessus du rez-de-chaussée dit « café, restaurant, sorbet, glace, rafraîchissement », ce qui montre bien ce côté un peu buvette qu'avait le doyen à ses origines. Alors, bien après nos visiteurs de Tours, hein, en 1925, le célèbre Kurnonski, dans sa France gastronomique, affirmera que le déjeuner chez le doyen fait si bien partie du rituel d'après-duel que, pour ne pas être pris au dépourvu, le patron, dit-il, guette à 7h du matin le passage des adversaires et des témoins en direction du bois de Boulogne, où se déroule la rencontre. Ainsi est-il prêt, et la table aussi, à les accueillir avec cette déclaration. C'est là que monsieur Alexandre Dumas a déjeuné lors de son dernier duel. Oh, quel duel! On a bu au moins 10 bouteilles de champagne. Il faut imaginer tous ces messieurs rentrant de la prairie, n'est-ce pas, pour prendre un bon déjeuner et oublier tout ça dans la mousse du champagne. Déjeuners intimes, soupe et fin, tout ça va faire la célébrité de le doyen, bien entendu. Il y a des canards pour tous les champions, disait la publicité, et des perdreaux truffés pour les amoureux. Si on est la veille de la Saint-Valentin, donc on sait où se rendre désormais. Si nos visiteurs avaient choisi de dîner, mais peut-être est-ce qu'ils y déjeuneront le lendemain, ils auraient en 1900 été accueillis par un des associés, Balvet et Mignon. Mignon, c'est l'homme du Grand Hôtel, hein, du Meurice, etc. Ils viennent juste d'agrandir du reste le pavillon du restaurant et ils vont lui adjoindre une véranda. Seulement la véranda, elle ne date que de 1902, donc au moment de leur visite en 1900, elle n'existe pas encore. Alors après le dîner, eh bien on peut toujours aller faire une petite promenade digestive dans ces quelques 13 hectares et demi de jardin, plantés de quelques arbres remarquables qui sont encore visibles, hein, au cœur des carrés. Les deux plus célèbres ont été plantés sous Napoléon III. C'est le séquoia géant qui domine tout le quartier, 1850 sa plantation. Et puis l'arbre à encens de 1854, auquel il faudrait ajouter un platane d'Orient qui lui a été planté pour célébrer l'exposition universelle, justement, en 1900. Est-ce que nos amis ont vu la plantation de l'arbre en question? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. J'ai oublié, au passage, de vous parler du pavillon Gabriel, cher à l'ami Michel Drucker, qui longtemps a été l'Alcazar d'été. Pourquoi l'Alcazar d'été? Mais toujours dans cette idée, c'était la référence au cirque d'été, et au bistrot du cirque d'été, etc. C'était l'endroit où l'on venait à la belle saison, tout simplement. Et là, les spectacles se déroulent en grande partie sur une scène extérieure au pavillon. Vous avez des globes éclairés au gaz qui entourent le public qui reste debout pour applaudir un défilé d'artistes. On est là dans une tradition très populaire. Hein. C'est vraiment le cabaret, c'est l'ancêtre du Cafcon, en quelque sorte. En 1886, c'est là que Paulus va créer, à la gloire du général Boulanger, du reste on a tendance à l'oublier, sa célèbre chanson En revenant de la revue. Retentissement énorme, popularité immense de ces lieux qui, plus tard, sous la Première Guerre mondiale, deviendront un dépôt de la Croix-Rouge avant d'être transformés à leur tour en patinoire, puis en palais de la danse. Oh, le palais de la danse, il n'a pas duré longtemps. Il a vécu de 1918 à 1930. En tout cas, à l'époque de nos visiteurs, on a affaire à l'Alcazar d'été et c'est là qu'on vient entendre les chanteurs populaires et les chanteuses à thème, vous savez, les chanteuses réalistes. Bonjour Michel Carmona. Bonjour. Nous allons bien sûr avec vous repartir un peu plus loin dans le temps. Un mot peut-être de ce Itorf dont j'ai beaucoup parlé et qui a été le bâtisseur, l'architecte de tous ces pavillons. Ah, c'est le grand bâtisseur de tous ces pavillons, c'est l'organisateur de ces jardins des Champs-Élysées et c'est en même temps, à l'extrémité des Champs-Élysées, le grand ordonnateur, on va dire, de la place de la Concorde, avec ses fontaines, avec son obélisque, plus tard, sous Napoléon III, avec ses lampadaires. Alors j'en profite, Michel Carmona, pour annoncer à nos auditeurs que la semaine prochaine, nous raconterons, à l'occasion de l'exposition qui se tient en ce moment au Musée de la Marine, nous raconterons la formidable épopée de l'obélisque depuis Louxor jusqu'à la place de la Concorde. Nous sommes au cœur de l'histoire des Champs-Élysées avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Michel Carmona, historien, auteur notamment de Paris, l'histoire d'une capitale de Lutèce au Grand Paris, aux éditions La Martinière. Oui, très beau livre, comme toujours chez La Martinière et comme toujours avec Michel Carmona. Je suis très heureux que vous soyez là, Michel Carmona. Alors, pourquoi les Champs-Élysées ? D'où vient ce terme finalement ? On sait qui a eu l'idée de baptiser ainsi la plus belle avenue du monde ? On ne sait pas qui a eu l'idée. On ne sait pas qui a eu l'idée, mais le terme est apparu à la fin du XVIIe siècle. La première fois où on le repère, c'est probablement 1694. Alors pourquoi les Champs-Élysées ? Ben, je crois que c'est un terme un peu goguenard. La raison est la suivante. Le bas des Champs-Élysées, c'était un marécage. Et l'endroit où nous sommes ici, à Europe 1, c'était presque l'endroit par où passait ce qu'on appelait le grand égout. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment je dois prendre cette annonce. qui allait jusqu'à au pont de l'Alma actuel. Et ce grand égout faisait que le bas des Champs-Élysées était malsain, malodorant. Et comme c'était en dehors de Paris, c'était un endroit où il y avait, paraît-il, beaucoup de femmes qui trafiquaient de leur corps. De petites vertus. Et puis de mauvais garçons. Et il y avait même des souterrains, des caches qui avaient été creusées dans les marécages. Enfin, c'était épouvantable. Alors, un certain nombre de gens se sont amusés à dire, voilà, ben on passe le grand égout, c'est une épreuve. Et c'est puis après ça, le Styx. Et après, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve ? Le séjour des âmes bienheureuses. Dans l'Antiquité grecque, les Champs-Élysées. D'où l'appellation. Voilà. Alors, d'où l'appellation des Champs-Élysées. Mais ce qui veut bien dire que pendant très longtemps, cet endroit n'était même pas vraiment dans la ville, on était aux marges de la ville, on était dans une sorte de marécage, de forêt boueuse, enfin, on était vraiment dans un endroit très peu urbain, disons. Ah, tout à fait, bon, je dirais pas du tout urbain. Pas du tout, même. Au fond, la ville, elle s'arrêtait à la place de la Concorde, et puis au-delà de la place de la Concorde... Qui d'ailleurs n'a été aménagée que très tard sous Louis XV. Louis XV, et quand on passait la place de la Concorde, c'est comme si on allait dans une guinguette, un peu s'encanailler à la campagne d'ailleurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait des tas de bistrots, de brasseries, de limonaderies, de baraques, etc. Et on allait donc s'égayer là-dedans, mais on n'allait pas... C'était la banlieue rurale de l'époque, en fait. Tout à fait. C'était en dehors de la ville. Et il a fallu beaucoup de temps pour que les Champs-Élysées s'intègrent à la ville. En réalité, la partie basse est restée toujours des jardins. Alors, ils ont été aménagés sur le tard. Ça a pris beaucoup de temps. Et vous avez parlé de Itorf, cet architecte de l'époque de Charles X, Louis-Philippe, ensuite Napoléon III, qui est un architecte allemand venu de Cologne. Architecte et urbaniste. Très bon. Très apprécié par les souverains, à tel point d'ailleurs que Haussmann, qui n'était pas un modèle d'humilité, plus tard a été très jaloux de Itorf, mais a été obligé de composer avec lui. Et donc Itorf a été le grand organisateur des jardins. C'est lui d'ailleurs qui les a découpés en ce qu'on appelle des carrés. Trois carrés sur le côté droit, trois carrés sur le côté gauche, qui sont chacun symbolisés par un des monuments ou des restaurants dont vous avez parlé. Et il a aménagé ainsi les jardins des Champs-Élysées, on va dire jusqu'au rond-point. Et ce qui se passe après, c'est-à-dire à l'avenue au-delà, après l'égout, c'est quelque chose qui est encore pour le moment une promenade très champêtre, comme avaient été les jardins des Champs-Élysées pendant très longtemps. Au départ, c'était une perspective. André Lenôtre y avait eu sa part à Tout à fait, c'est lui qui l'a dessiné. Ça a été une perspective jusqu'à la butte, ce qu'on appelait la butte de Chaillot, qui est notre butte de l'Étoile. Mais la promenade chic, la promenade dominicale, ne se passait pas là à l'époque d'André Lenôtre, c'est-à-dire de Louis XIV. Elle se passait un peu à côté, cours la Reine. C'est ça, plus près de la Seine, en fait, là-bas. Voilà, tout près de la Seine, qui longe la Seine, qui avait été plantée sous Marie de Médicis, c'est-à-dire pendant l'enfance. D'où son nom, le cours la Reine. Et le cours la Reine, lui, il était drainé, il était bien, les cavaliers pouvaient s'y montrer. C'est l'actuel cours Albert Ier, en fait, c'est ça. Tout à fait. Et il a fallu beaucoup de temps pour que les Champs-Élysées, les jardins des Champs-Élysées, qui étaient, on va dire, un peu les jardins du populo ou de la canaille, enfin, je ne veux pas forcer le ton, mais c'était ça. Et donc, c'est Itorf qui a joué un très grand rôle dans leur aménagement. Vous avez parlé, on ne va pas revenir sur la place de la Concorde aujourd'hui, et d'autant moins qu'on parlera de l'obélisque dans quelques jours, mais cette place de la Concorde est aménagée très tard, sous le règne de Louis XV, par le premier architecte du roi, Gabriel, sous la férule d'un homme d'une très grande importance et qu'on a souvent tendance à oublier, qui était le frère de Madame de Pompadour, l'espèce de ministre de la Culture de l'époque, il était directeur des bâtiments du roi, c'était Marigny. Et Marigny va s'intéresser aux Champs-Élysées. à Marigny, Monsieur Poisson. Monsieur Poisson, il était né Poisson. Comme sa sœur, va être un très très grand surintendant des bâtiments. Et il organise cet aménagement des Champs-Élysées en d'abord favorisant les plantations, en créant également une perspective qui aujourd'hui est la perspective entre le Petit et le Grand Palais. Il y avait des arbres qui étaient là à cet endroit, il les fait couper. Pour quelle raison ? Parce que sa sœur, Madame de Pompadour, a acheté un hôtel particulier qu'elle a grandi et qui s'appelle l'hôtel d'Évreux. Et c'est le palais de l'Élysée. Mmh. Et elle veut avoir un paysage libre devant elle. Et donc, évidemment, son frère, gentiment, fait couper des arbres de façon qu'elle puisse avoir une perspective, une vue, jusqu'à la façade de l'hôtel des Invalides. Voilà. Au-delà de cela, ce qu'il fait, c'est également aménager alors la partie qui est autour du rond-point. Et cette partie qui est autour du rond-point, qui était un décor très campagnard, c'était encore une fois un marécage, comme on l'a dit, mais il commence à faire percer des allées. Et c'est ainsi qu'il va y avoir deux allées très célèbres, qui s'appellent l'une l'allée d'Antin et l'autre l'allée des Veuves. L'allée des Veuves, qui n'est rien d'autre que l'avenue Montaigne aujourd'hui. Elle a bien changé. Pourquoi cette allée des Veuves ? Alors, pourquoi l'allée des Veuves ? Parce que lorsqu'il y avait un deuil, la veuve était censée observer une période un peu de réclusion chez elle. Elle ne sortait pas trop. Or, les veuves ont le droit d'avoir envie de se promener, de respirer un peu d'air pur. Alors, on avait aménagé un endroit qui était spécial pour les veuves. Donc, elles ne côtoyaient pas le grand public. Comme endroit, oui. C'était très joyeux, tellement joyeux que par la suite se sont installées des guinguettes, des bals. Par exemple, il y en a un qui était très très célèbre à l'époque de Napoléon III, qui était le bal Mabille. Où, alors, il y avait toutes les danses. Nous avons parlé à propos des lorettes l'autre jour. Il y a une espèce de correspondance d'une émission à l'autre. Oui, oui. Ah, mais c'est le propre de vos émissions, Franck. Il y a cette unité. Ce bal Mabille était très important. Très, très important. Et donc, il commence à aménager ce quartier. Ça ne va pas encore très, très loin. En 1800, il paraît qu'il n'y avait encore que 6 maisons. À l'époque du directoire, 6 maisons seulement sur les Champs-Élysées. Mais le quartier qu'on va appeler le quartier François Ier commence à être drainé. Sur le grand égout qui est à peu près à la hauteur de la rue Maubert, on ne le voit plus, mais on fait un pont. On ne le comble pas, hein, bien sûr, mais on le franchit. Ça permet d'assainir l'endroit. Et petit à petit, dans les années qui suivent, Marigny, on va voir se créer des rues, la rue François Ier, la rue Jean Goujon, la rue de Marignan, et se construit petit à petit ce quartier qu'on appelle le quartier François Ier. Hommage à la Renaissance de la part d'un quartier naissant. Alors justement, oui. Nous allons quitter la partie bucolique du bas des Champs-Élysées, traverser maintenant le rond-point et parler de l'avenue telle que la connaissent la plupart des visiteurs, c'est-à-dire ce qui démarre au rond-point des Champs-Élysées et qui va jusqu'à l'Étoile et jusqu'à l'Arc de Triomphe. Jacques Offenbach, un extrait de l'opéra bouffe La Péricole. Nous sommes au cœur de l'histoire des Champs-Élysées cet après-midi. Avec vous, Franck Ferrand et votre invité, Michel Carmona, historien, auteur notamment de Paris, l'histoire d'une capitale de Lutèce au Grand Paris aux éditions La Martinière. Alors Michel Carmona, il faut que nous avancions un peu dans le temps et puisque nous étions sur la Péricole, c'est la fête impériale, on peut dire que la grande époque des Champs-Élysées, leur explosion, en tout cas leur éclosion, c'est le Second Empire. Oui, tout à fait. C'est le Second Empire qui fait que l'on franchit... Alors pardon Franck Ferrand, pardon aux auditeurs, ma langue a fourché. Oui, j'ai sur parlé la rue tout Maubert, à l'heure de la rue Maubert, c'était la rue Marbeuf, oui, enfin, bien voilà. Sûr. Alors franchissons la rue Marbeuf et allons jusqu'à la butte de l'Étoile. C'est à ce moment-là que se font des grands travaux. D'abord pour aplanir dans une certaine mesure la butte de l'Étoile, pour organiser l'avenue de façon qu'elle soit moins envahie par les guinguettes, les baraques, etc., qui en faisaient un grand espace de fête à Neuneu, quoi, de oui, fête c'était foraine. Un peu une sorte de grande voilà. foire. Alors oui. donc, c'est le travail de Napoléon III et de Haussmann d'organiser cette perspective, parce que c'est une grande perspective en l'honneur de l'Empire qui aboutit à l'Arc de Triomphe, puisque l'Arc de Triomphe, maintenant, il est installé depuis 1836, pour être très précis. Il était commencé sous le Premier Empire, achevé sous le Manche de Juillet. Hein. Tout à fait. Et il en a vu passer des choses, l'Arc de Triomphe. Bon, enfin, on ne va pas l'évoquer maintenant. Et l'Arc de Triomphe, donc, ponctue cette perspective qui, en effet, avait été dessinée par le nôtre, l'architecte paysagiste de Louis XIV. Donc, on est dans cette espèce de continuité qui est une volonté politique en même temps. Ça posera plus tard la question de l'Arche de la Défense, dans les années 1980, puisque cette perspective-là a été rompue, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. C'était la grande querelle, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut que la Défense se soit ouvert ou fermé? Fermé. Alors l'arche, voilà, on peut dire que c'est à la fois ouvert et fermé d'une certaine manière, et que ça ne bouge pas la perspective qui continue à partir de l'Arc de Triomphe jusqu'à la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, du château de Saint-Germain-en-Laye. En tout cas, donc, Haussmann aménage de façon régulière, organisée, les Champs-Élysées, avec une chaussée centrale, avec trottoirs, contre-allées. Alors, ce n'est pas aussi fastueux que l'avenue Foch actuelle, qui s'appelait l'avenue Dubois, qui, elle, est plus large, qui a davantage d'arbres, etc. Mais c'est quand même une avenue qui est en train de devenir très urbaine. Et alors, à ce moment-là, il y a un certain nombre de gens, on va dire des spéculateurs. On sait que certains ont l'intention, en ce moment, de revenir à la ruralité du côté de l'avenue Foch. Mais je m'empresse de clore la parenthèse. Passons. Quoi qu'il en soit, avenue des Champs-Élysées, un certain nombre de gens se disent « mais il y a peut-être de l'argent à faire ». Parce que c'est un terrain encore rural, encore campagnard, mais on voit bien qu'il va s'urbaniser très vite. Et comme les grands travaux de Napoléon III et Haussmann sont en train de faire de Paris une ville de plus en plus grande, de plus en plus étendue, une ville de plus en plus internationale, eh bien, il se construit un certain nombre d'immeubles. Et on voit, on est par en exemple, pleine spéculation, c'est l'époque du Second Empire. Hein. On est en pleine spéculation. Nous sommes ici presque chez le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, qui a construit au rond-point des Champs-Élysées, mais qui a également acheté des maisons sur les Champs-Élysées, des terrains au coin de la rue de Berry et ailleurs. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui se précipitent. Et donc, les Champs-Élysées commencent à s'urbaniser et à devenir une partie de la ville et non plus une sorte d'extension campagnarde. Alors, on n'avait pas encore tous les grands immeubles qui ont été bâtis au milieu du XXe siècle, mais il y avait de très beaux hôtels particuliers, dont l'un des plus célèbres est celui de la grande courtisane, la Païva. C'est un magnifique hôtel qui est, alors pour être très précis... Pas très loin du rond-point, lui. Il est au numéro 25, c'est tout près du rond-point. Et cet hôtel a été construit par, effectivement, pour Thérèse Lachmann, dite la Païva, marquise de Païva, parce qu'à un certain moment de sa carrière de grande courtisane, elle avait épousé un marquis portugais, le marquis de Païva, qui lui a laissé son titre, une partie de sa fortune. Mais ce n'est pas Païva qui a construit l'hôtel. Après la guerre de 1870, Thérèse Lachmann est devenue la maîtresse d'un noble allemand, qui était d'ailleurs un cousin de Bismarck. Oui, et d'ailleurs, elle a vu passer sur les Champs-Élysées le défilé des troupes prussiennes en 1871. Oui. Ça ne l'a pas rendu très populaire. Non, ça ne l'a pas rendu très populaire. Et donc, cet amant lui a fait cadeau de cet hôtel, alors qu'il est resté. Voilà, la chance que l'on a, c'est qu'il est resté. Oui, aujourd'hui, c'est le Travelers Club. Hein. C'est le Travelers Club, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu une époque, à la fin du 19e siècle, où les clubs, où les réunions, les lieux de société, comme on disait, étaient extrêmement nombreux sur les Champs-Élysées. Ça a changé un peu. Aujourd'hui, les Champs-Élysées sont davantage voués au commerce, aux grandes vitrines. Ils sont devenus, disons-le, plus populaires. Ils sont devenus plus populaires, mais c'est vraiment le commerce. Il y a une statistique donnée par la ville de Paris qui dit que 40% des espaces des Champs-Élysées sont dédiés au commerce et en particulier au commerce textile. Alors, est-ce que ce commerce textile qui mêle effectivement ce qui est populaire, ce qui est, on va dire, prestige et ce qui est très haut de gamme, il y a un très très grand mélange. Oui. Alors, est-ce que c'est toujours rentable ? Alors, d'une certaine manière, oui. Quand on voit surtout les loyers extraordinaires qui sont pratiqués à l'égard de ces commerces, on se dit oui, parce qu'il y a un facteur de publicité extraordinaire. Je suis installé sur les Champs-Élysées. Et puis, se sont installées peu à peu ces fameuses galeries qui prennent la place souvent des lobbies de grands hôtels. Parce qu'il y a un aspect des Champs-Élysées qu'on a aujourd'hui oublié, c'est qu'à une époque, on est là au tournant du XXe siècle, hein, à la belle époque, les Champs-Élysées sont un très haut lieu de l'hôtellerie parisienne. C'est plus le cas aujourd'hui, il y a quelques hôtels, mais beaucoup moins qu'avant. On peut dire qu'il n'y en a plus que deux. Deux, voilà. Il n'y en a ça. Plus que deux. Et tous les autres, effectivement, alors ont disparu. Parfois, les bâtiments sont toujours là. Ils sont toujours imposants, très beaux. Et alors, ils sont souvent utilisés par des banques, c'est par ça. Des donc grandes enseignes. Il y a des bureaux aux étages et on fait des galeries commerciales. Et on fait des galeries commerciales au rez-de-chaussée qui ont une énorme rentabilité, une énorme attractivité. Oui. Alors c'est évidemment ces Champs-Élysées, ils sont devenus mythiques par l'incroyable popularité qui a été la leur. À quel moment est-ce que ces Champs-Élysées deviennent en quelque sorte un lieu de légende comme ça? C'est le début du XXe siècle. C'est après la Première Guerre mondiale. C'est après la Première Guerre mondiale. C'est en particulier, je pense, le défilé de la Victoire en 1919. Oui, c'est ça. Voilà qui a sans doute attirer les deux tiers de ce que Paris comptait d'habitants pour venir voir s'embouteiller, si l'on peut dire, s'écraser pour voir ce défilé qui, évidemment, après les quatre années épouvantables passées par la France, sanctionne en quelque sorte la victoire de la France sur l'ennemi allemand. Et avec des troupes alliées d'ailleurs qui sont là. Il y avait eu le défilé des troupes de Bismarck, si je puis dire, en 1871. Il y a eu le juste avant leur départ en mars. Il y en avait eu d'autres aussi, Franck. Il y a eu à la chute de Napoléon Ier, il y avait eu déjà les Cosaques sur les Champs-Élysées en 1814. Et puis ensuite, en 1815, rebelote, si je peux dire. Mais cette fois, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Alors, les Cosaques avaient ravagé à peu près la moitié des arbres qui existaient sur les Champs-Élysées. Et les Anglais terminent le travail en 1815. Mais les Parisiens, bon, naturellement, ils sont accablés par la défaite, mais ils profitent quand même des revues de la garde. Parce que les Cosaques et les Anglais, de temps en temps, bah, ils passent en revue les troupes, etc. C'est des beaux uniformes chamarrés. Qu'on connaissait pas. Alors, on reverra d'autres uniformes vert de gris, cela évidemment, en 1940, et avant le très célèbre défilé d'août 1944, qui a définitivement inscrit les Champs-Élysées dans la légende mondiale. Il y a même eu deux défilés à quelques jours d'août 1944. Il y a eu celui que l'on connaît avec le général de Gaulle, les représentants du Conseil de la Résistance qui défilent. Et puis il y a eu cinq jours plus tard le défilé des troupes alliées, c'est-à-dire des troupes américaines qui avaient également participé à la libération de Paris, en tout cas participé à la libération de la France, puisque le travail n'était pas encore terminé. Alors il y a de grandes enseignes qui ont bien sûr, puisque les Champs-Élysées sont devenus de plus en plus un lieu de commerce, nous le disions, il y a de grandes enseignes qui ont aux Champs-Élysées leur siège, on va peut-être pas les citer, on va pas faire trop de publicité au micro, il y a en revanche deux établissements qu'on ne peut pas ne pas citer puisqu'ils sont devenus un peu à eux seuls l'image des Champs-Élysées. C'est la brasserie qui est tout près d'ici, qui s'appelle Fouquet's, hein, qui joue un rôle très important dans la sociabilité de l'entre-deux-guerres, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, très très très importante, qui s'est installée il n'y a pas tellement longtemps, puisque c'est au tournant du XXe siècle, qui est d'abord une brasserie, on va dire, de gamme moyenne, et puis ensuite qui monte, et qui finit par trouver la consécration, bah, puisqu'on est tout près de l'époque des Césars, et bien c'est là que se déroule le dîner traditionnel des nominés aux Césars avant la cérémonie des Césars. Oui, c'est devenu une brasserie du cinéma maintenant. Voilà, c'est ça, absolument. Et bon, on l'a vu également célébré dans d'autres circonstances plus politiques, n'est-ce pas, qui ont fait également encore un peu plus sa renommée. C'est curieux comme cette émission sur les Champs-Élysées nous amène à des allusions politiques, on va dire, toutes les 5 minutes. On est quand même bien au cœur de la capitale de la France, hein, incontestablement. Et alors, en face du Fouquet sur l'autre trottoir, il y a évidemment le grand cabaret du Lido. Absolument. Alors, le Lido, qui est une création relativement récente, parce que quand il s'installe dans les arcades, qui portent le nom toujours de arcade du Lido, bien que le Lido n'y soit plus, le Lido, c'est d'abord un sauna, je dirais. C'est une piscine, c'est des salons de massage, c'est des salons de beauté, et ça reste donc un lieu de cosmétique, on va dire, et de délassement pendant de nombreuses années. Et puis, c'est ensuite le cabaret qui s'installe là, qui va y rester pendant 30 ans. Et créer alors la vogue des Champs-Élysées d'une façon inimaginable. Les Champs-Élysées, on ne peut pas aller au Lido. Oui, non, bien sûr, ça fait partie. On va dire, quand on vient à Paris, il y a 3 ou 4 grandes adresses comme ça, évidemment, où l'on a tendance à se précipiter. Nous avons remonté les Champs-Élysées. Nous ne parlerons pas, comme vous le disiez, de l'Arc de Triomphe, parce que ce serait l'objet d'une émission à part entière. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que les Champs-Élysées ne sont finalement qu'une des avenues de l'Étoile. Ça, c'est toute la géographie du 8e arrondissement, ça. Oui, une des 12 avenues de c'est l'Étoile, ça, hein, voilà. Puisque l'aménagement de l'Étoile a été fait. L'aménagement de l'Étoile a été fait par Napoléon III et Haussmann. Et la grande fierté de Haussmann, c'est d'avoir réussi à faire un aménagement complètement rigoureux, mathématique, avec des angles qui sont exactement les... Il y a deux catégories d'angles, on ne va pas rentrer dans les détails. Bien sûr, oui. Et il a fait dessiner, toujours par l'inévitable Itorf hein, les hôtels qui entourent la place de la Concorde, qu'on appelle les hôtels des Maréchaux. Alors la même hauteur, le même style de façade, les mêmes grilles, les mêmes plantations de marronniers, s'il vous plaît, il ne faut pas déroger à l'ordre établi qui était prépondérance des marronniers sur les Champs-Élysées et dans le quartier des Champs-Élysées. Et c'est effectivement un des lieux les plus prestigieux de Paris. Un arbre, le marronnier, qui à l'époque où il a été planté sur les Champs-Élysées était encore exotique, magnifique. On se précipitait pour voir des marronniers, hein. Il faut le préciser. Alors, on ne serait pas complet sur ce sujet sans évoquer la restauration des Champs-Élysées il y a une dizaine d'années. Ah, 1994 pour être précis. Le temps passe vite. C'est le moment où un ancien maire de Paris décide de redonner un peu de look aux Champs-Élysées. C'était Jacques Chirac, et qui fait donc cette rénovation en faisant appel à des architectes et décorateurs, stylistes extrêmement connus. Même les lampadaires sont tous des lampadaires uniques, qui ont été dessinés uniquement pour les Champs-Élysées. Je me rappelle qu'à l'époque où ça a été fait, ça a donné un coup de jeune formidable et de propreté, on va dire, aux Champs-Élysées, sans oublier toutes les réglementations qui sont spécifiques à cette avenue, notamment les enseignes ne peuvent pas être en couleur. Tout à fait, les enseignes ne peuvent pas être en couleur. Et puis la grande nouveauté, c'est que on a restreint l'espace des voitures. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, les Champs-Élysées font quand même 70 mètres, ce qui est pas mal, mais il y a 30 mètres seulement pour la chaussée centrale et 2 fois 20 mètres pour les 2 trottoirs de part et d'autre. Oui. Et ça a été une des grandes idées dans le fait de redonner de la qualité aux Champs-Élysées, de refaire un espace où on peut se promener et tranquillement. Et d'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que les piétons l'ont compris, il n'y a qu'à aller sur les Champs-Élysées un samedi après-midi et vous comprendrez de quoi je parle. Je citais pour commencer cette émission, évidemment, En remontant les Champs-Élysées de Sacha Guitry. Un petit clin d'œil, nous écoutons la voix de Sacha. Au fond, ça vous est bien égal de savoir combien font 2 834 783 multiplié par 621 862. Oui, monsieur. Oh, et à moi, donc, si vous saviez. Eh bien, pendant une heure, voulez-vous que j'essaie un peu de vous distraire? Oui, monsieur. Je peux toujours essayer, en tout cas. Eh bien, mes enfants, pour vous distraire, je n'irai pas par 4 chemins. Je ne vais même y aller que par un seul chemin. Seulement alors, je choisis le plus beau de tous les chemins. Savez-vous ce que c'est que les Champs-Élysées? Savez-vous ce que c'est que les Champs-Élysées? Tout simplement, le plus beau chemin du monde, selon Sacha Guitry. Merci infiniment, Michel Carmona. Je rappelle le titre de votre ouvrage sur Paris, le dernier. Paris, l'histoire d'une capitale, de Lutèce au Grand Paris. C'est chez La Martinière. Je voulais citer également dans la pochothèque du livre de poche, le dictionnaire historique de Paris. Et puis, il nous m'a pas mal servi pour préparer cette émission, le dictionnaire historique, architectural et culturel des Champs-Élysées aux éditions Le Dico. Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand répond à la question de Philippe sur les origines du football américain. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Philippe. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il aimerait connaître les origines du football américain. Philippe, je crois, est inspiré par l'actualité puisque le 2 février dernier avait lieu le fameux Super Bowl. Vous savez, qui est la finale du championnat de football américain. Alors d'où ça vient ce football américain? C'est difficile à vous dire. C'est une espèce de mélange au départ, hein. Ça s'inspire à la fois du football, tel que nous le connaissons, et du rugby à 15, bien entendu. C'est en novembre 1869 que l'université de Rutgers a affronté celle de Princeton dans ce qui a été considéré historiquement comme le premier match de football américain universitaire. Le problème, c'est que le temps passait et que chaque université avait un peu ses règles, si vous voulez. Il y avait la règle de Yale, la règle de Columbia, celle de Princeton, etc. Et donc, il fallait unifier tout ça. Alors, il faut vous dire qu'à ces réunions de football universitaire, de décembre, l'avantage, c'est que et le football et le rugby descendent d'un très vieux sport médiéval qui s'appelait la soule, vous savez, sonnets qu'on jouait dès le 11-12e siècle, qui a disparu par la suite au moment de l'exode rural au 18 et surtout 19e siècle. Donc ils ont un ancêtre commun. Mais on ne savait pas trop comment jouer tout ça. Et c'est Walter Kemp qui jouait, donc qui participait à ces réunions à Yale et qui va imposer ses propres règles qui dans un premier temps seront rejetées et finalement seront adoptées en 1880. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, Walter Kemp est considéré aux États-Unis comme le père fondateur du football américain et il a sa statue dans le hall de la National Football League qui a été créée, la NFL, en 1920. Alors c'est devenu considérable ce Super Bowl. Vous savez qu'aujourd'hui, un Américain sur trois est devant sa télévision au moment de la fameuse finale. Ça représente 111 millions de téléspectateurs qui sont arrivés à leur écran. Et les 30 secondes de publicité ce soir-là coûtent 4 millions de dollars. J'en connais à Europe 1 qui vont rêver.